Retour à la diff internationale avec une doublette de nouveautés. Tout d'abord, Gals Word. Alors, Gals Word, pour ceux qui ne connaîtraient pas, c'est le projet tout simplement de Gaal, ex-vocaliste de Gorgoroth. Gals Word, une discographie assez légère hein, pour le moment, puisqu'il n'a sorti qu'un véritable album. Sinon, c'est un live. Déjà, il a commencé par un live de 2015. Et là, en fait, c'est son premier. Premier EP, oui, parce qu'avant c'était que des démos ou split et un album. Donc, premier EP, The Humming Mountain, qui fait donc un album de 2019. 30 minutes pour 4 titres. C'est très sobre musicalement, Gals Word. Donc, on n'est pas sur du black norvégien comme il pouvait faire dans Gorgoroth. Il y a des ambiances vachement heavy, même au niveau de son chant, vous allez voir, j'en dis pas trop pour le moment, pour vous laisser le plaisir de la découverte, mais on est très très loin d'un Gorgoroth, c'est d'ailleurs complètement le but recherché. Et voilà, cette EP sort chez Season of Mist, et dans la foulée de Gals Word, une autre nouveauté, Tower. On est sur une formation américaine de Heavy, emmenée par une vocaliste, Shock to the System, c'est le nom de leur premier effort studio après un EP, second album, monsieur, pardon. Tower était sorti en 2016, album éponyme, un EP en 2016, et donc là, second effort studio, Shock to the System, une sortie Cruz del Sur Music, ça faisait quelque temps qu'on n'avait rien diffusé de ce très très bon label. Blood Moon, le titre pour Tower, The Dwell, le titre de Gals Word. Yeah. on va entamer les 20 dernières minutes de l'émission de ce soir avec du coup une petite glissade stylistique complètement appropriée parce qu'on va reprendre les annonces de concerts. Hein. Encore une fois, c'est un truc qu'on n'avait pas fait depuis un petit moment. Donc là, cette semaine, on a été gâté une fois de plus par Catharsis qui a fait venir un ersatz de Sarcophago, bien sûr, l'ultra cultissime groupe de black trash brésilien. Bon, malgré des soucis logistiques, la soirée était assez extraordinaire. Et dans les semaines à venir, le 18 décembre plus précisément, nous aurons l'édition d'hiver du Ripfest, à savoir donc le Winter Rip, qui aura lieu pour la toute première fois à la salle Maria Callas, salle de la Ville aux Dames, très belle salle d'ailleurs. À l'affiche, 7 groupes, 8 d'ailleurs, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 groupes, pour 10 balles. Ça va forcément chercher dans les ambiances typées hardcore. On aura Centipede, formation Tourangelle. On aura Disruptor, également formation Tourangelle. Entertain the Terror, tiens, le groupe de hardcore rennais dont on a diffusé le nouvel EP il y a une paire de semaines. Caligula, ensuite un groupe de deathcore qui nous vient de Montpellier. Scumbags, la formation Death Slam qui nous vient de Tours. Clench Your Fist, groupe de hardcore beatdown qui nous vient de Belgique, ça va être génial. Teething, ensuite le groupe de hardcore grindcore qui nous vient d'Espagne. Et enfin Within Destruction, le groupe de Kawaii Slamming Deathcore qui nous vient de Slovénie. Ouais, je dis kawaii parce que voilà, ils sont dans un trip dans lequel je ne me reconnais pas. Voilà, ça a lieu le 18 décembre, c'est organisé par Riposte, ça a lieu à la salle Maria Callas de la Ville aux Dames, c'est pas loin, c'est pas cher. Et puis bah, ma foi, c'est la première fois depuis presque 2 ans qu'on n'a pas un événement d'envergure comme ça à Tours. Donc toutes les planètes sont alignées pour s'y rendre, ma foi, en nombre, de bonne humeur, pour aller se taper sur la gueule. On enchaîne avec une nouvelle sortie hardcore, que l'on a vu sur les dernières éditions du Ripfest, Gult Trip, l'excellent groupe de hardcore venu du Pays de Galles. Ils sortent là leur nouvelle EP, Rain City, 20 minutes pour 5 titres. Gult Trip, toujours des artworks très très soignés, et une sortie sur le label Beatdown Hardware Records, Malevolented Records, pour la version rap d'Angleterre. Gult Trip, donc, c'est déjà dispo, et dans la foulée, Burial, le groupe de Death Doom venu d'Italie, sorti sur le très très bon label Everlasting Spew Records. Burial, je vais prendre une très très grande inspiration. L'album s'intitule Inner's Getaway to the Slumbering Equilibrium at the Center of Cosmos. La prochaine fois, c'est toi qui t'y colle. Le titre qu'on va laisser écouter, The Curse of the Unborn Like Gods. Donc on est sur un groupe qui travaille énormément sur les références à Lovecraft. Et Gult Trip, beaucoup plus sobre, All I Hate. C'est parti. We'll be right back. Don't you fall. Yeah. 22h18 à la pendule de Radio Béton. On va pas aller jusqu'à 22h30 avec du blabla. C'est juste que ça s'est très bien passé ce soir. Et donc, on va rendre l'émission avant 22h30. On va se clôturer cette émission live d'une manière dont on se passerait bien. Mais ça reste important à notre petite échelle de rendre hommage à un humain et un musicien qu'on a rencontré sans jamais vraiment le rencontrer ces dernières années. Il s'agit de Dominik Pumpa Koenig, surtout connu pour avoir été le bassiste de Stillbirth, groupe de surfing slam venu d'Allemagne. Pourquoi je dis que c'est quelqu'un qu'on connaît et qu'on n'a jamais vraiment connu, parce qu'on l'a vu plusieurs fois sur scène, même si c'était pas un copain ou quoi, c'est juste un type dont on apprécie énormément le travail, l'engagement, et au-delà de son travail dans Stillbirth, c'était une figure emblématique de l'organisation du Death Fest, ce bien célèbre festival de brutal death et de slam et de grind en Allemagne. Et du coup, Stillbirth, nous, on les a découverts en 2016. Ouais, dans des conditions assez incroyables. Moi, c'est rigolo parce que Stillbirth, c'était vraiment un groupe que j'ai découvert purement par hasard à l'époque à la Belle Rouge, où je m'étais retrouvé à discuter avec un Allemand qui était présent là. Je sais pas trop de pourquoi il était là et tout. Et on n'a pas réussi à trop dialoguer parce que mon anglais est assez approximatif. Et il m'a attrapé mon téléphone portable, il m'a filé une liste de groupes, tu vois, à écouter. Et parmi ces groupes, il y avait Stillbirth qui m'a mis une claque dès la première écoute. Et c'est vrai que la joie de pouvoir les voir quand on les a vus à Paris, j'étais assez hype. Alors que c'était pas le groupe pour... Tous les autres se déplaçaient plutôt pour Volvo ce soir-là, et moi j'étais vraiment... C'était la première tournée européenne de Volvodynia, et Stillbirth, qui avait déjà tissé des liens assez forts avec eux, était en ouverture sur toute la tournée européenne. Ouais, c'est assez dingue, parce qu'en plus Stillbirth, c'est un groupe qui, pour moi, était presque un peu en avance sur son temps, qui n'avait pas les moyens techniques à la hauteur des ambitions qu'ils avaient au début de leurs albums, et qui aujourd'hui se retrouve un petit peu à l'arrière-garde de tous ces groupes, mais qui était là... Malgré tout, qui était là avant et qui apportait déjà quelque chose dans leur slam qui était assez dingue. Et puis, on va y arriver sur le sujet, hein, mais cette basse qui est complètement mémorable de ce groupe et on va en reparler après quand on parlera du morceau réellement. Le bassiste en plus se démarquait sur scène dans son jeu de basse qui était juste incroyable, quoi. Alors, un personnage qui a un an de plus que moi, qui est né en 87, qui a une vie extrêmement bien remplie, semble-t-il fort triste cependant en parallèle. Effectivement, en tant que musicien, parce que c'est surtout comme ça qu'on l'a vu, un bassiste et presque un frontman, hein, parce qu'il était très très fusionnel avec le vocaliste de Stillbirth. Enfin, ensemble, ils animaient la scène de manière assez extraordinaire. Effectivement, une technique et une présence et des backings vocaux extraordinaires. Pumpa avait une place toute particulière dans Stillbirth sur scène, et puis en dehors de la scène, c'est lui qui s'occupait de toute la partie technique du son du groupe. Et quand on est allé les voir il y a pas longtemps à Nantes, Stillbirth tournait avec Xavleg, donc l'espèce de projet crossover Stillbirth Volvodynia, et tournait avec deux autres formations allemandes, et ben en fait c'est juste lui qui s'occupait de faire le son sur toute la tournée. Donc le mec, il jouait deux fois dans la soirée et il faisait le son deux ou trois fois dans la soirée. Je sais plus, il y avait un troisième groupe. Il y avait des aussi, oui, c'est ça. Il devait faire deux fois la basse et une fois la gratte, une connerie comme ça. C'était absurde. Et il faisait le son global de la soirée. C'était assez extraordinaire. Et le mec, il a fait ça sur une tournée complète. Et donc voilà, son investissement en plus depuis de bien nombreuses années dans l'orga du Death Fest. Donc voilà, tout ça pour dire que Pumpa est décédé. Donc le suicide est en cause. Donc voilà, c'est pour ça que je dis qu'à côté de ça, je pense que sa vie n'était pas forcément aussi rose que l'image qu'il pouvait renvoyer sur scène. Stillbirth avait fait le pari ces deux dernières années de jouer live avec deux bassistes, comme si ça suffisait pas avec un seul. Et donc nous, quand on les a vus à Nantes, il y avait donc ces deux bassistes complètement ouf sur scène. C'était impressionnant, vraiment, visuellement et sonore. C'est vrai que Stillbirth, systématiquement, tu te dis Stillbirth, c'est un peu le nom que tu vois un peu partout, mais vraiment à chaque fois tu tombes dessus, tu fais ouais, les mecs c'est des darons, ils sont présents face sur la scène européenne, ça fait quand même partie dans cette vague de slam moderne, ils étaient là même avant l'heure. Et ouais, ils te mettent une patate systématiquement, quoi. C'est incroyable. C'est toujours un plaisir de tomber sur le groupe sur une affiche. Moi, je m'en lasse pas, hein, personnellement. Voilà. Les albums, ils tournent encore. Grosse préférence pour le Global Error sorti en 2015, me concernant. Oui, bah, moi, c'est la même. Hein. Enfin, Global Error qui est un condensé et qui arrivait justement avec une prod à la hauteur des ambitions du groupe par rapport aux albums précédents. Là, on avait vraiment une prod qui était à la hauteur de ce que voulait faire le groupe. Et ouais, clairement, c'est ce qu'ils ont proposé de meilleur. La pochette, elle est incroyable. Oui, toujours d'une richesse folle. Les artworks de Stillbirth, c'est bourré de références en tout genre, d'ailleurs. Mm-hmm. Et ils s'amusent, notamment sur le dernier album sorti l'année dernière. En gros, choper toutes les références, voir si vous y arrivez. Sachant que c'est de la culture pop, de la culture générale. Enfin, c'est ultra riche. À noter que dans très peu de temps va sortir leur prochaine EP, Strain of Gods, qu'on ne manquera pas, bien sûr, de vous diffuser. Avec un artwork exactement dans la veine de ce qu'on vient de vous exposer. Et du coup, c'est toi qui as choisi le titre qu'on allait diffuser en hommage à l'ensemble de l'investissement de Pumpa au sein de la scène brutale internationale. Ouais, je t'avoue que quand j'ai appris le décès et qu'on a très rapidement décidé qu'on allait diffuser un morceau ce soir, c'est ce morceau-là qui est revenu tout de suite, Human Parasite. Un morceau que je trouve génial déjà de base et qui a le mérite d'avoir cette espèce de bass drop typique Stillbirth, justement, qui mettait vachement en avant la basse. Et bon, je trouvais que c'était assez cool à diffuser vu ces circonstances. D'ailleurs, il y a un titre en français qui s'appelle Vive la pipe, hein, sur cet album. Enfin bref, Human Parasite, sorti en 2012 sur l'album Endgame Is Near, qu'on a décidé de vous diffuser dans l'émission de ce soir pour clôturer l'émission en hommage donc à Pumpa. Rendez-vous certainement dans 2 semaines pour une nouvelle émission en direct. D'ici là, portez-vous bien et nouvelle émission dimanche prochain en différé. Ciao, ciao.